18e chapitre. Sous le talon. Après avoir raconté ce qui était arrivé à mon frère, je vais reprendre le récit de mes propres aventures où je l'ai laissé, au moment où le vicaire et moi étions entrés nous cacher dans une maison d'Halliford, dans l'espoir d'échapper à la fumée noire. Nous y demeurâmes toute la nuit du dimanche et le jour suivant, le jour de la panique, comme dans une petite île d'air pur, séparée du reste du monde par un cercle de vapeurs suffocantes. Nous n'avions qu'à attendre dans une oisiveté angoissante, et c'est ce que nous fîmes pendant ces deux interminables jours. Mon esprit était plein d'anxiété en pensant à ma femme. Je me la représentais à Lethred, terrifiée, en danger et me pleurant déjà comme un homme mort. J'allais et venais dans cette maison, pleurant de rage à l'idée d'être ainsi séparée d'elle, songeant à tout ce qui pouvait lui arriver en mon absence. Je savais que mon cousin était assez brave pour affronter toute circonstance, mais il n'était pas homme à mesurer les choses d'un coup d'œil et à se décider promptement. Ce qu'il fallait maintenant, ce n'était pas de la bravoure, mais de la réflexion et de la prudence. Ma seule consolation était de savoir que les Martiens s'avançaient vers Londres et tournaient ainsi le dos à Lethred. Toutes ces vagues craintes me surexcitaient l'esprit. Bientôt, je me sentis fatigué et irrité des perpétuelles jérémiades du vicaire. Son égoïste désespoir m'impatientait. Après quelques remontrances sans effet, je me tins éloigné de lui dans une pièce qui contenait des globes, des bancs et des tables, des cahiers et des livres, et qui était évidemment une salle de classe. Quand il vint m'y rejoindre, je montai au sommet de la maison et m'enfermai dans un débarras afin de rester seul avec mes pensées douloureuses et mes misères. Pendant toute cette journée et le matin suivant, nous fûmes absolument cernés par la fumée noire. Le dimanche soir, nous eûmes des indices que la maison voisine était habitée, une figure derrière une fenêtre, des lumières allant et venant, le claquement d'une porte qu'on fermait. Mais je ne sus qui étaient ces gens ni ce qu'il advint d'eux. Nous ne les aperçûmes plus le lendemain. La fumée noire descendit en flottant lentement vers la rivière pendant toute la matinée du lundi, passant de plus en plus près de nous et disparaissant enfin sans s'être avancée plus loin que le bord de la route devant la maison où nous étions réfugiés. Vers midi, un Martien parut au milieu des champs, déblayant l'atmosphère avec un jet de vapeur surchauffée qui sifflait contre les murs, brisait toutes les vitres qu'il touchait et brûla les mains du vicaire au moment où il quittait précipitamment la pièce de devant. Quand enfin nous nous glissâmes hors des pièces trempées et que nous jetâmes un regard au dehors, on eût dit qu'une tourmente de neige noire avait passé sur la contrée vers le nord. Tournant nos yeux vers le fleuve, nous fûmes surpris de voir d'inexplicables rougeurs se mêler aux taches noires des prairies desséchées. Pendant un moment, nous ne sûmes nous rendre compte du changement apporté à notre position, sinon que nous étions délivrés de notre crainte de la fumée noire. Bientôt je m'aperçus que nous n'étions plus cernés, que maintenant nous pourrions nous en aller. Dès que je fus sûr qu'il y avait un moyen de s'échapper, mon désir d'activité revint. Mais le vicaire restait léthargique et déraisonnable. « Ici, nous sommes en sûreté !» répétait-il. « En sûreté ! En sûreté !» Je résolus de l'abandonner. Que ne l'ai-je fait? Plus sage maintenant et profitant de la leçon de l'artilleur, je cherchais à me munir de nourriture et de boissons. Je vais trouver de l'huile et des chiffons pour mes brûlures. Je pris aussi un chapeau et une chemise de flanelle que je découvris dans l'une des chambres à coucher. Quand le vicaire comprit que j'allais partir seul, étant décidé à m'en aller sans lui, il se leva soudain pour me suivre. Et tout étant calme dans l'après-midi, nous nous mîmes en route vers 5 heures, autant que je peux le présumer, nous dirigeant vers Sunbury, au long du chemin tout noirci. Dans Sunbury, et par intervalles sur la route, nous rencontrâmes des cadavres de chevaux et d'hommes, gisant en attitude contorsionnée. Des charrettes et des bagages renversés et couverts d'une épaisse couche de poussière noire. Ce linceul de cendres poudreuses me faisait penser à ce que j'avais lu de la destruction de Pompéi. L'esprit hanté de ces spectacles étranges, nous arrivâmes sans mésaventure à Hampton Court, et là, nos yeux eurent un réel soulagement à trouver un espace vert qui avait échappé aux nuages suffocants. Nous traversâmes le parc de Bushey, où les daims et les cerfs allaient et venaient sous les marronniers. À une certaine distance, des hommes et des femmes, les premiers êtres que nous ayons rencontrés encore, se hâtaient vers Hampton Court. Nous passâmes ainsi à Twickenham. Au loin, les bois, par-delà Ham et Petersham, brûlaient encore. Twickenham n'avait souffert ni du rayon ardent ni de la fumée noire. Il y avait encore dans ces localités des gens en grand nombre, mais personne ne put nous donner de nouvelles. Pour la plupart, les habitants profitaient, comme nous, d'une accalmie pour changer de quartier. J'eus l'impression qu'une certaine quantité de maisons était encore occupée par leurs habitants épouvantés, trop effrayés sans doute pour essayer de fuir. Les signes d'une débandade hâtive abondaient le long du chemin. Je me rappelle très vivement 3 bicyclettes brisées et enfoncées dans le sol par les roues des voitures qui suivirent. Nous traversâmes le pont de Richmond vers 8h30, fort précipitamment, car on s'y trouvait trop exposé, et je remarquai, descendant le courant, un certain nombre de masses rouges. Je ne savais pas ce que c'était, n'ayant pas eu le temps d'examiner longuement, mais je me fis à leur propos des idées beaucoup plus horribles qu'il ne fallait. Là encore, sur la rive du Surrey, la poussière noire qui avait été de la fumée s'étalait, recouvrant des cadavres en tas aux abords de la station, mais nous n'aperçûmes rien des Martiens avant d'arriver près de Barnes. Dans la distance, parmi le paysage noirci, nous vîmes un groupe de 3 personnes descendant à toutes jambes un chemin de traverse qui menait vers le fleuve. Autrement, tout semblait désert. Au haut de la colline, les maisons de Richmond brûlaient activement, mais hors de la ville, il n'y avait nulle part trace de fumée noire. Tout à coup, comme nous approchions de Kew, des gens passèrent en courant, et les parties hautes d'une machine martienne parurent au-dessus des maisons, à moins de 100 mètres de nous. L'imminence du danger nous frappa de stupeur, car si le Martien avait regardé autour de lui, nous eussions immédiatement péri. Nous étions si terrifiés que nous n'osâmes pas continuer et que nous nous jetâmes de côté, cherchant un abri sous un hangar dans un coin, pleurant en silence et refusant de bouger. Mon idée fixe de parvenir à Leatherhead ne me laissait pas de repos, et de nouveau je m'aventurai au dehors dans la nuit tombante. Je traversai un endroit tout planté d'arbustes, suivis un passage au long d'une grande maison qui avait tenu bon sur ses bases, et je débouchai ainsi sur la route de Kew. Le vicaire, que j'avais laissé sous le hangar, me rattrapa bientôt en courant. Ce second départ fut la chose la plus témérairement folle que je fis jamais, car il était évident que les Martiens nous environnaient. À peine le vicaire m'eut-il rejoint que nous aperçûmes la première machine martienne. ou peut-être même une autre, au loin, par-delà les prairies qui s'étendent jusqu'à Kew Lodge. Quatre ou cinq petites formes noires se sauvaient devant elle, parmi le vert grisâtre des champs, car, selon toute apparence, le Martien les poursuivait. En trois enjambées, il eut rattrapé ces pauvres êtres, qui se mirent à fuir dans toutes les directions. Il ne se servit pas du rayon ardent pour les détruire, mais les ramassa un par un. Il dut les mettre dans l'espèce de grand récipient métallique qui faisait saillie derrière lui, à la façon dont une hotte pend aux épaules du chiffonnier. L'idée me vint alors que les Martiens pouvaient avoir d'autres intentions que de détruire l'humanité bouleversée. Nous restâmes un instant comme pétrifiés, puis, tournant les talons et escaladant une barrière qui fermait un jardin clos de murs, nous tombâmes, heureusement, dans une sorte de fosse où nous nous terrâmes jusqu'à ce que la nuit fût noire, osant à peine échanger quelques mots à voix basse. Il devait bien être 11 heures quand nous prîmes le courage de nous remettre en chemin, ne nous risquant plus sur la route, mais nous glissant furtivement au long de haies et de plantations. Le vicaire épiant à droite et moi à gauche, essayant de pénétrer les ténèbres, de crainte des Martiens qui, nous semblait-il, allaient surgir à chaque instant autour de nous. Un moment, nous piétinâmes dans un endroit brûlé et noirci, presque refroidi alors et plein de cendres, où gisaient des corps d'hommes, la tête et le buste horriblement brûlés, mais les jambes et les bottes presque intactes. Et aussi des cadavres de chevaux, derrière une rangée de canons éventrés et de caissons brisés. Sheen paraissait avoir échappé à la destruction, mais tout y était silencieux et désert. Nous ne rencontrâmes là aucun cadavre, et la nuit était trop sombre pour nous permettre de voir dans les rues transversales. Soudain, mon compagnon se plaignit de la fatigue et de la soif, et nous décidâmes d'explorer quelqu'une des maisons de l'endroit. La première où nous entrâmes, après avoir eu quelques difficultés à ouvrir la fenêtre, était une petite villa écartée, et je n'y trouvais rien de mangeable qu'un peu de fromage moisi. Il y avait pourtant de l'eau dont nous bûmes, et je me munis d'une hachette qui promettait d'être utile dans notre prochaine effraction. Nous traversâmes la route à un endroit où elle fait coude pour aller vers Mortlake. Là s'élevait une maison blanche au milieu d'un jardin entouré de murs. Dans l'office, nous découvrîmes une réserve de nourriture, de pains entiers, une tranche de viande crue et la moitié d'un jambon. Si j'en dresse un catalogue aussi précis, c'est que nous allions être obligés de subsister sur ces provisions pendant la quinzaine qui suivit. Au fond d'un placard, il y avait aussi des bouteilles de bière, 2 sacs de haricots blancs et quelques laitues. Cet office donnait dans une sorte de laverie d'arrière-cuisine où se trouvait un tas de bois et un buffet qui renfermait une 12aine de bouteilles de vin rouge, des soupes et des poissons conservés et 2 boîtes de biscuits. Nous nous assîmes dans la cuisine adjacente, demeurant dans l'obscurité, car nous n'osions pas même faire craquer une allumette, et nous mangeâmes du pain et du jambon, et nous vidâmes une bouteille de bière. Le vicaire, encore timoré et inquiet, était d'avis, assez étrangement, de se remettre en route sur le champ. J'insistai pour qu'il réparât ses forces en mangeant, quand arriva la chose qui devait nous emprisonner. « Il n'est sans doute pas encore minuit, disais-je, et au même moment nous fûmes aveuglés par un éclat de vive lumière verte. Tous les objets que contenait la cuisine se dessinèrent vivement, clairement visibles avec leurs parties vertes et leurs ombres noires, puis tout s'évanouit. Instantanément, il y eut un choc telle que je n'en entendis jamais auparavant, ni depuis d'aussi formidable. Suivant ce choc de si près qu'elle parut être simultanée, une secousse se produisit avec tout autour de nous des bruits de verreries brisées, des craquements et un fracas de maçonnerie qui s'écroule. Au même moment, le plafond s'abattit sur nous, se brisant en une multitude de fragments sur nos têtes. Je fus projeté contre la poignée du four, renversé sur le plancher, et je restai étourdi. Mon évanouissement dura longtemps, me dit le vicaire. Quand je repris mes sens, nous étions encore dans les ténèbres, et il me tamponnait avec une compresse, tandis que sa figure, comme je m'en aperçus après, était couverte du sang d'une blessure qu'il avait reçue au front. Pendant un certain temps, il me fut impossible de me rappeler ce qui était arrivé. Puis les choses me revinrent lentement et je sentis à ma tempe la douleur d'une contusion. « Vous sentez-vous mieux ?» demanda le vicaire à voix très basse. À la fin, je pus lui répondre et cherchai à me redresser. « Ne bougez pas, » dit-il, « le plancher est couvert de débris de vaisselle. Vous ne pouvez guère remuer sans faire de bruit, et je crois bien qu'ils sont là, dehors. » Nous demeurâmes un instant assis dans un grand silence et retenant notre souffle. Tout semblait mortellement tranquille, bien que de temps en temps autour de nous quelque chose, plâtras ou morceaux de briques, tombât avec un bruit qui retentissait partout. Au dehors et très près s'entendait un grincement métallique intermittent. « Entendez-vous ? » demanda le vicaire quand le bruit se produisit de nouveau. « Oui, » répondis-je, « mais qu'est-ce ? Un martien ?» dit le vicaire. J'écoutais de nouveau. « Ça ne ressemble pas au bruit du rayon ardent, » dis-je, et pendant un moment j'inclinai à croire que l'une des grandes machines avait trébuché contre la maison, comme j'en avais vu se heurter à la tour de l'église de Shepperton. Notre situation était si étrange et si incompréhensible que, pendant 3 ou 4 heures, jusqu'à ce que vint l'aurore, nous bougeâmes à peine. Alors, la lumière s'infiltra, non pas par la fenêtre qui demeura obscure, mais par une ouverture triangulaire entre une poutre et un tas de briques rompues dans le mur derrière nous. Pour la première fois, nous pûmes vaguement apercevoir l'intérieur de la cuisine. La fenêtre avait cédé sous une masse de terre végétale qui, recouvrant la table où nous avions pris notre repas, arrivait jusqu'à nos pieds. Au dehors, le sol était entassé très haut contre la maison. Dans l'embrasure de la fenêtre, nous pouvions voir un fragment de conduite d'eau arraché. Le plancher était jonché de quincailleries brisées. L'extrémité de la cuisine, à côté contre la maison, avait été écrasée et comme le jour entrait par là, il était évident que la plus grande partie de la maison s'était écroulée. Contrastant vivement avec ces ruines, le dressoir net et propre, teinté de vert pâle, le vernis à la mode, était resté debout avec un certain nombre d'ustensiles de cuivre et d'étain. Le papier peint imitait des carreaux de faïence bleus et blancs, et une couple de gravures primes coloriées flottait au mur de la cuisine au-dessus du fourneau. Quand l'aube devint plus claire, nous pûmes mieux distinguer, à travers la brèche du mur, le corps d'un martien en sentinelle sans doute auprès d'un cylindre encore étincelant. À cette vue, nous nous retirâmes à 4 pattes avec toutes les précautions possibles, hors de la demi-clarté de la cuisine, dans l'obscurité de la laverie. Brusquement me vint à l'esprit l'exacte interprétation de ces choses. « Le 5e cylindre, » murmurai-je, « Le cinquième projectile de Mars est tombé sur la maison et l'a enterrée sous ses ruines. » Un instant, le vicaire garda le silence, puis il murmura « Dieu ait pitié de nous !» Je l'entendis bientôt pleurnicher tout seul. À part le bruit qu'il faisait, nous étions absolument tranquilles dans la laverie. Pour ma part, j'osais à peine respirer et je restais assis, les yeux fixés sur la faible clarté qu'encadrait la porte de la cuisine. J'apercevais juste la figure du vicaire, un ovale indistinct, son faux col et ses manchettes. Au dehors commença un martèlement métallique, puis il y eut une sorte de cri violent, et ensuite, après un intervalle de silence, un sifflement pareil à celui d'une machine à vapeur. Ces bruits, pour la plupart problématiques, se continuèrent par intermittence et semblèrent devenir plus fréquents à mesure que le temps passait. Bientôt, des secousses cadencées et des vibrations qui faisaient tout trembler autour de nous firent sans interruption sauter et résonner la vaisselle de l'office. Une fois, la lueur fut éclipsée et le fantastique cadre de la porte de la cuisine devint absolument sombre. Nous dûmes rester blottis pendant maintes heures, silencieux et tremblants, jusqu'à ce que notre attention lasse défaillît. Enfin, je m'éveillai, très affamé. Je suis enclin à croire que la plus grande partie de la journée dut s'écouler avant que nous ne nous réveillions. Ma faim était si impérieuse qu'elle m'obligea à bouger. Je dis au vicaire que j'allais chercher de la nourriture et me dirigeais à tâtons vers l'office. Il ne me répondit pas, mais dès que j'eus commencé à manger, le léger bruit que je faisais le décida à se remuer, et je l'entendis venir en rampant.